En Corée, le maréchal Kim Jong-un a fait fêter l'anniversaire de Madame Wang Jae-sin, habitante de la 129e subdivision de la commune de Daesung de la ville de Sallyeon, de la province du Fang et du Nord, qui salue son centenaire.